pas mon moins pas joué. Gen bagay pas j'en parle. Doudou, elle va voir. Là, elle a gardé ses doudous.